Pastorale des cochons roses par Edmond Rostand, enregistré par Christiane Jehan. Le jour s'annonce à l'Orient, de pourpre se coloriant, le doigt du matin souriant ouvre les roses, et sous la garde d'un gamin qui tient une gaule à la main, on voit passer sur le chemin les cochons roses. Le rose rare au ton charmant qu'à l'horizon en ce moment, là-bas, au bord du firmament, on voit s'étendre, ne réjouit pas tant les yeux, n'est pas si frais et si joyeux que celui des cochons soyeux d'un rose tendre. Le zéphyr, ce doux maraudeur, porte plus d'un parfum rôdeur, et dans la matinale odeur des églantines, les petits cochons transportés ont d'exquises vivacités et d'insouciantes gaietés presque enfantines. Heureux, poussant de petits cris, ils vont par les sentiers fleuris, et ce sont des jeux et des ris remplis de grâce. Ils vont, et tous ces corps charnus sont si roses qu'ils semblent nus, comme ceux d'amours ingénus aux formes grasses. Des points noirs dans ce rose clair, semblant des truffes dans leur chair, leur donnent vaguement un air de galantine, et leur petit trottinement à cette graisse incessamment communique un tremblement de gélatine. Le long du ruisseau flot-flottant, ils suivent tout en ronflottant la blouse au large dos flottant de toile bleue. Ils trottent les petits cochons, les gorées gras et folichons, remuant les tire-bouchons que fait leur queue. Puis, quand les champs sans papillons exhaleront de leurs sillons les plaintes douces des grillons, toujours pareilles, les cochons, rentrant au bercail, défileront sous le portail, agitant le double éventail de leurs oreilles. Et quand là-bas, à l'Occident, croulera le soleil ardent, à l'heure où le soir descendant ferme les roses, paisiblement couchés en rond, près de l'auge couleur marron, bien repus, ils s'endormiront, les cochons roses.